بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles ? Hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes » et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du tagut. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. On va pas se laisser abattre, pour Allah on veut mourir. Qu'Allah leur accorde le paradis, Inch'Allah. Et j'appelle à tous les frères qui se trouvent dans tous les quartiers, dans chaque ville, dans chaque village, de réitérer ce genre d'action, de transmettre la peur à l'ennemi. Parce que eux, quand ils nous bombardent, ils sont dans leur avion tranquillement. Mais il faut que la peur, elle vienne dans leur cœur. Il faut que la peur, elle vienne dans leur foyer. Que quand ils se lèvent, qu'ils vont au travail et qu'ils se disent, ce jour-là, peut-être, je vais pas revenir chez moi. Qu'ils se disent, ce jour-là, peut-être, je vais pas. Vous semez, vous récoltez. Ceux qui ont les armes chargées, c'est l'heure de se révolter. C'est l'heure de se révolter. On va pas se laisser abattre. Pour Allah, on veut mourir. Et vous avez certes vu les pancartes de la même manière que nous les avons vues. Les pancartes brandies, marquées dessus Charlie Akbar. Et vous avez certes vu ces menaces à répétition et ces caricatures qui ne cesseront pas. Ils ont encore caricaturé notre prophète alayhi salatu wassalam. Que vont dire cette fois-ci les hypocrites? Est-ce qu'on doit se taire? Est-ce que vous, mes frères, vous allez vous taire? Est-ce que vous allez laisser faire? Ne baissez pas les bras et surtout ne baissez pas vos armes. Ne vous rendez pas. Tuez. Aujourd'hui, c'est notre da'wah. Tuez. Tuez-les. Vous avez plus de 4 millions de cibles maintenant. Parmi ceux qui soutiennent le coufre et ceux qui s'en revendiquent clairement. Si vous n'avez pas d'armes, vos frères vous ont montré le chemin. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, vous a certes dit « Ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi ». Tuez donc, à l'aide d'un couteau, un policier, prenez son pistolet. Avec ce pistolet, tuez un militaire. Prenez son fusil et lancez-vous dans le chemin de votre Seigneur. Ce n'est qu'un paradis qui vous attend. Et la shahada est sans douleur. ما عندي مانع يا ولدي بس انك ضايع زهب قروشك يا ولدي وانهي القضية يلا على بابك ما خف ضلابك يا ربي ما خف ضلابك أهلاً أخي. Ce message est adressé à tous les Français qui font la guerre. Allah Azza wa Jal et son messager alayhi salatu wa salam. Ce message est adressé à la coalition internationale. Ce message est adressé à tous ceux qui font la guerre, Allah Azza wa Jal et son messager alayhi salatu wa salam. Wallahi, wallahi bi'iznillahi ta'ala, on vient à vous avec des hommes qui aiment la mort comme vous aimez la vie, ya adi Allah. On vient à vous avec des hommes qui aiment la mort comme vous aimez la vie, ya adi Allah. Wallahi, on vient vous égorger dans les rues de Paris. Wallahi jinakum. Wallahi jinakum, ya adi Allah. Oh vous les ennemis d'Allah Azza wa Jal, repentez-vous Allah Azza wa Jal. Ou sinon, les rues de Paris seront remplies de cadavres. وإن أردتم موعود الله فجاهدوا في سبيل الله وحرِّضوا المؤمنين واصبروا على تلك المشقة ولو علمتم ما في الجهاد من الأجر والكرامة والرفعة والعزة في الدنيا والآخرة لما قعد أو تخلف منكم أحد عن الجهاد. Tends ta main pour l'allégeance et émigre vers ta terre. Crie de tout ton cœur vengeance car tu ne peux plus te taire. Tends ta main pour l'allégeance et émigre vers ta terre. Crie de tout ton cœur vengeance car tu ne peux plus te taire. L'étendard s'est élevé, le califat est arrivé. Oh toi qui en as tant rêvé, il est temps pour toi d'émigrer. L'étendard s'est élevé, le califat est arrivé. Oh toi qui en as tant rêvé, il est temps pour toi d'émigrer. Tends ta main pour l'allégeance et émigre vers ta terre. Crie de tout ton cœur vengeance car tu ne peux plus te taire. Tends ta main pour l'allégeance et émigre vers ta terre. Crie de tout ton cœur vengeance car tu ne peux plus te taire. Il faut briser le silence avec foi militante, le martyr par excellence ou la victoire éclatante. Il faut briser le silence avec foi militante, le martyr par excellence ou la victoire éclatante. Ceci est un message pour tous les musulmans qui vivent encore en terre de mécréance. De la part de vos frères qui ont immigré, vos frères français, qu'attendez-vous? Pourquoi vous n'avez pas encore émigré? N'avez-vous pas honte? Le chemin est facile. Aucune excuse. Tends ta main pour l'allégeance et émigre vers ta terre. Crie de tout ton cœur vengeance car tu ne peux plus te taire. Tends ta main pour l'allégeance et émigre vers ta terre. Crie de tout cœur vengeance car tu ne peux plus te taire. Nous perdons notre dignité en vivant comme des lâches. Nous renforçons notre unité en combattant sans relâche. Nous perdons notre dignité en vivant comme des lâches. Nous renforçons notre unité en combattant sans relâche. Tends ta main pour l'allégeance et émigre vers ta terre. Crie de tout ton cœur vengeance car tu ne peux plus te taire. Tends ta main pour l'allégeance et émigre vers ta terre. Crie de tout ton cœur vengeance car tu ne peux plus te taire. Nos ennemis sont horrifiés et veulent nous exterminer. Soyons prêts à tout sacrifier, soyons les plus déterminés. Nos ennemis sont horrifiés et veulent nous exterminer. Soyons prêts à tout sacrifier, soyons les plus déterminés. Tends ta main pour l'allégeance et émigre vers ta terre. Crie de tout ton